Le porte-parole de la direction nord du comité pan national pour une enquête spéciale en vue de l'éclaircissement de la vérité des crimes des troupiers américains a publié le 3 un entretien. En voici le résumé. Maintenant, partout en Corée du Sud, se livre dynamiquement la lutte de tous les milieux pour la retraite de Bakune. Dans cette circonstance, la préfecture sud-coréenne de la défense a exprimé la volonté d'accepter la demande de la nouvelle administration américaine d'augmenter les frais de maintien des troupiers américains en Corée du Sud, à la grande indignation de tous les milieux sud-coréens. Par ailleurs, à la 197e réunion conjointe de la Convention sur la position des troupes américaines en Corée du Sud tenue à Séoul, la hausse de la redevance électrique des GEIS en Corée du Sud a été soumise à l'ordre du jour, mais ce problème est refusé complètement pour convenir de le percevoir l'année prochaine aussi comme par le passé au prix inférieur au loyer ou à la redevance d'un établissement ordinaire de Corée du Sud. Dans cette circonstance, le 5 décembre, le groupe d'envoyés spéciaux de visite aux États-Unis, constitué des parlementaires issus du Parti pour un nouveau monde partageant la volonté de Bakune, projette de se rendre aux États-Unis pour discuter avec la nouvelle administration américaine des frais d'occupation de la Corée du Sud par les GEIS et d'autres problèmes. C'est une témérité propre aux autorités sud-coréennes trompées jusqu'à la moelle de la dépendance aux États-Unis, volet sans pareil qui subsiste par la traîtrise en estimant reconnaissant le service d'esclaves colonial aux États-Unis. D'après le rapport sur les forces armées américaines 2017 publié par la Fondation américaine Héritage, à présent, la Corée du Sud offre tous les ans des ressources évaluées à environ 900 millions de dollars américains à titre des aides directes ou indirectes, notamment offre de la terre et de la main-d'œuvre et réduction de la redevance de toutes sortes, sans parler des frais de maintien des troupes américains en Corée du Sud. Chose surprenante, c'est que les GEIS versent une somme d'argent astronomique tout en commettant des crimes à l'égard de la population sud-coréenne comme assassinat, violence, brigandage et viol, voire prêtant de l'argent à intérêt. Comme le monde le sait, Bakune, acculé à l'extrémité de précipice par les scandales jamais vus, a, sur la demande des Américains, conclu avec le Japon l'accord sur la protection des renseignements militaires et fait un remue-ménage pour parvenir jusqu'à la conclusion d'un accord de logistique, tout en propulsant la disposition de SAD. Non satisfait, le préfet de la défense, Tang Myung-jin, condisciple d'école supérieure de Bakune, est allé aux États-Unis sur l'ordre de Bakune. Cela montre une fois de plus que la bande de Bakune est le résidu humain vivotant à l'aide des Américains. La population sud-coréenne doit engager une lutte plus vigoureuse pour enterrer dès que possible au nom de l'histoire la bande de Bakune, s'affairant à vendre entièrement aux forces étrangères la dignité et les intérêts de la nation jusqu'à sa mort.